on n'a pas toujours tout ce que l'on veut. On fait bien souvent ce qu'on peut. C'est pas si facile d'être amoureux quand on a au cœur des bleus. Quand on a au cœur des bleus. La vie fait bien de nous ce qu'elle veut. Elle nous entraîne dans son jeu. Mais que faire sinon, implorer le bon Dieu, quand on a au cœur des bleus. Quand on a au cœur des bleus. On a beau se dire, bouge-toi mon vieux, demain ira sûrement mieux. Pour revoir le sourire qui nous manque un peu quand on a au cœur des bleus. Quand on a au cœur des bleus. Regarde bien au fond des yeux ce qui rend mal. Des bleus. Quand on a au cœur des bleus. Quand on a au cœur des bleus.